Bonjour et bonne année 2018 à toutes et à tous. Une année 2018 qui sera marquée entre autres par de nombreuses manifestations culturelles se déroulant dans la plus ancienne ville de France, Marseille. En effet, cette année, Marseille se souviendra qu'il y a 5 ans, elle fut capitale culturelle de l'Europe et qu'à cette occasion avait été inauguré, entre autres, le Musée des Cultures de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, devenu depuis un lieu phare de la ville. Ce MUCEM qui a renouvelé une partie de son exposition permanente très récemment en faisant confiance à la pensée d'un grand historien de la Méditerranée, Fernand Braudel, dont l'œuvre irrigue l'exposition Connectivité, cité, ville, mégapole en Méditerranée, donc au MUCEM. Et pour cette première émission sur Marseille, nous partons en balade au sein de cette exposition qui met en connexion Istanbul, Venise, Gênes, Séville, Alger, Tunis, Le Caire, toutes cités méditerranéennes connectées entre elles, bien sûr, et bien sûr avec Marseille également. Nous voici donc dans cette série consacrée à Marseille, au MUCEM, le grand musée ouvert depuis quelques années sur le port et face à la mer à Marseille, dans une exposition un peu particulière dont on va comprendre pourquoi elle nous intéresse à la Fabrique de l'Histoire, en compagnie de Jean-Pierre Farganel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à Aix-Marseille, spécialiste des siècles entre le 16e et le 18e siècle, dans la relation en particulier que peut avoir la ville de Marseille avec le Levant. On y reviendra avec vous. Et puis avec Myriel Morel de Ledal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici chargé avec Sylvia Amar-Gonzalez de cette nouvelle exposition qui s'appelle Connectivité et qui est au rez-de-chaussée de ce musée des cultures de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, qui est une exposition qui a pour vocation de durer 3 ans et qui doit introduire le visiteur de ce même MUCEM à des problématiques qui sont liées à la question méditerranéenne. En effet, et davantage lié à l'histoire de la Méditerranée au XVIe et XVIIe siècle, avec un focus particulier sur les cités en Méditerranée, mais aussi dans le monde, puisqu'à partir du XVIIe, on parle de mondialisation, qui sont des mégapoles et métropoles, qui représentent les préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui sur la croissance des villes et la croissance des populations urbaines. Alors, il y a une ombre tutélaire, mais tout à fait revendiquée, qui plane au-dessus de nous aujourd'hui, celle de quelqu'un que nous connaissons bien à la Fabrique de l'Histoire, à savoir Fernand Braudel. Pourquoi avoir choisi la figure de Braudel pour ouvrir cette exposition? On n'est pas près de ce mur d'images qui est assez bruyant, c'est pour ça qu'on s'en est écarté à l'entrée de l'exposition, qui présente à la fois des propos de Fernand Braudel, mais aussi de gens qui se considèrent dans une sorte de filiation lointaine, qu'ils soient géographes, architectes, historiens, urbanistes, de cette école des annales et de la pensée de Braudel sur la Méditerranée. Oui, en effet, mais Braudel, comme vous venez de le dire, puisqu'il a des suiveurs détracteurs ou des suiveurs qui développent d'autres problématiques, est toujours très présent, il est toujours très moderne, même si sa thèse est publiée en 49 pour la première fois. On se rend compte à quel point, en fait, il lèche un champ qui n'est pas encore complètement défriché et qui peut se développer, se multiplier, se différencier sur le sujet de l'espace, du temps, parce que la longue durée, c'est quand même toujours ce qui reste une référence pour nous, pour les chercheurs que nous avons interviewés, et qui reste quelque chose d'extrêmement moderne et contemporain. La question de la connectivité, il l'a déjà mise en évidence. Il s'agit du lien de lieux, d'espace, de sujets entre eux et de réseaux entre eux. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une cuistrerie de dire qu'il s'agit de connexions dans le monde contemporain qui nous anime et qui est le sujet que tout le monde revendique. Mais on ne se rend pas compte à quel point depuis toujours, et dans la longue durée déjà, et plus on remonte dans le temps, on se rend compte qu'on est en connexion depuis toujours. Et on peut dire, Jean-Pierre Farganel, que cette Méditerranée a vu se succéder des grandes cités, puisqu'on est au cœur de cette question des cités, des grandes cités qui ont successivement, tous les siècles, ou tous les siècles et demi, ou tous les 3 siècles, repris la main sur des cités voisines, repris la main sur des cités qui auparavant avaient un certain pouvoir. Vous avez travaillé sur, en particulier, le rapport de Marseille au le vent. On sait combien cette ville a été importante. Et évidemment, elle prend parfois la succession de Venise, de Gênes ou d'autres cités qui auparavant, au Moyen-Âge ou à la sortie du Moyen-Âge, étaient des cités très puissantes et qui ensuite vont perdre un peu leur avantage. Oui, exactement. C'est-à-dire que il y a un certain nombre, de cités qui ont été particulièrement puissantes au Moyen-Âge, en Europe, en Méditerranée, ça a été Venise et Gênes, et qui se faisaient une concurrence extrêmement importante. Et à partir, de la fin du XVIIIe siècle et au cours du XVIIe siècle, ces deux cités ont décliné au profit d'autres ports comme Livourne en Italie. Ça a été le premier port franc d'Italie, et Marseille qui a été aussi le port franc sur dès 1661. Donc il y a ces éléments. Et puis j'ajouterai, en ce qui concerne l'espace méditerranéen, la définition de Brodel telle qu'il la donne avec la Méditerranée et ses annexes est toujours aujourd'hui pertinente et avec des constantes dans la durée du temps. Il suffit de voir simplement l'intérêt de la Russie pour les régions méditerranéennes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette définition de Brodel? Vous pouvez nous la redonner brièvement? C'est-à-dire que c'est l'histoire du temps long presque immobile, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui se déroulent sur une durée extrêmement importante, et ce qui fait qu'on n'en a pas conscience alors qu'il y a des transformations qui se font progressivement jusqu'au moment où on a à ce moment-là de nouvelles structures et de nouveaux rapports sociaux, économiques, politiques qui apparaissent. On peut donner l'exemple avec la mondialisation, c'est-à-dire que le départ de la mondialisation, qui n'a pas commencé ces dernières années, mais en 1492, ça a été la découverte de l'Amérique et puis les routes vers les Indes. Mais le temps que se mettent en place les nouveaux réseaux commerciaux, les nouvelles routes, les effets se font sentir au XVIIe siècle, avec progressivement toute une série de modifications en ce qui concerne les productions dans certaines régions, le commerce, mais pour certaines, il ne faut pas exagérer. Par exemple, la route traditionnelle de l'Asie terrestre n'a pas été tuée, c'est-à-dire que l'Empire ottoman a vu certaines routes déviées, mais ça n'a concerné que 10% de l'économie de l'Empire ottoman. Alors justement, vous avez choisi d'ouvrir cette exposition après cette présentation de Brodel, de son travail et de ses successeurs, Myriad Morel de Dedale, par l'Empire ottoman et par sa relation à un autre empire, l'Empire des Habsbourg, à l'époque moderne, donc à partir de la chute de Constantinople et de l'invention ou de la réinvention de la ville d'Istanbul. Oui, c'est exact. Nous avons décidé d'utiliser le substrat de la thèse de Brodel, qui était une période donnée dans un espace donné, ce qui était ce qu'on nous reprochait auparavant, c'est-à-dire d'avoir une présentation de la Méditerranée qui n'avait pas assez de repères géographiques et historiques. Donc, ce cadre était imparti, il était exploré largement, il avait son sens pour un musée de l'Europe et de la Méditerranée. Donc, ça tombait très bien. Mais c'est extraordinaire quand même, parce que c'est une période, elle n'est pas anodine. Si Brodel l'a choisi, c'est effectivement parce que c'est la fin de cet équilibre en Méditerranée d'une mer fermée, puisqu'à partir de 1492, comme vient de le dire notre collègue, on ouvre de nouvelles voies pour rejoindre l'autre côté du monde, qui était un peu bloqué malgré les routes terrestres, mais qui était quand même un peu bloqué par le verrou ottoman à Istanbul, et que justement il fallait se confronter aux Ottomans, et l'Empire des Habsbourg qui était présent à ce moment-là avait cette obligation de se confronter avec l'Empire ottoman s'il voulait acquérir les richesses de l'autre côté du monde, entre guillemets, qui étaient essentiellement les soieries et les épices. Là je reste très, très minimaliste quand même, enfin, il y en a beaucoup plus que ça, mais effectivement cette ouverture contemporaine de l'existence et du fonctionnement de ces deux empires face à face ou côte à côte, puisqu'ils se respectent, ils s'estiment, ils se connaissent bien et ils se jaugent. Mais l'ouverture de ces nouvelles routes, puisque plusieurs cultures vont s'en emparer, qui est concomitante, n'aura des effets que plus tard, juste en étant cette longue durée. Ça commence en 1492, mais les effets ne sont pas en 1492. Le temps que tout ça se mette en place, effectivement, on arrive dans la deuxième moitié du XVIIe siècle à une situation radicalement différente qui va mettre fin à cet équilibre entre Habsbourg et Ottoman. Alors, ce qui est extrêmement important quand on se trouve à Marseille, Jean-Pierre Farganel, c'est justement la place d'une ville comme celle-ci, mais surtout du Royaume de France, même si dans l'exposition telle qu'elle est présentée ici, ça n'est pas le principal, loin de là, la place du Royaume de France, mais ça a une importance tout de même dans ce jeu des puissances en Méditerranée, puisque François Ier et Suleyman Ier, qui est ici dit Suleyman le Magnifique, sont des personnalités qui se sont respectées, qui ont signé des accords, et en particulier un accord qui dit que le roi de France est le protecteur des chrétiens du Levant. Et cela, ça aura une importance à la fois au XVIIe, surtout au XVIIIe aussi, même jusqu'au XIXe siècle, avec la protection des chrétiens du Liban, par exemple, Jean-Pierre Farganel. Alors, il s'agit du premier traité signé avec l'Empire ottoman, les capitulations. Il y a eu une ambassade de Jean de la Forêt en 1536, et il y a eu les premiers accords, et notamment la mise en place du système des échelles du Levant avec les capitulations qui a pu se mettre en place grâce à ces accords avec Soliman le Magnifique. Les échelles du Levant, ce sont donc des sortes de comptoirs, pourrait-on dire, commerciaux dans lesquels des chrétiens ont le droit de travailler et de faire commerce avec les commerçants du coin. C'est ce qu'on appelle également les consulats, c'est-à-dire que par les capitulations, les ressortissants français sont sous l'autorité du consul. Et pour leurs affaires internes, n'ont rien à voir avec la loi ottomane, que ce soit les affaires, ils sont exemptés d'impôts, ils ont des droits de douane allégés, et n'ont affaire avec la loi ottomane que s'il y a un conflit avec un sujet ottoman. Mais là, ils sont représentés devant le cadi aussi avec par le consul. Alors justement, Istanbul, Suleyman Ier, on voit des faïences d'Iznik juste derrière vous qui sont splendides, et avec ces fameuses tulipes rouges et ces œillets qui caractérisent ces faïences d'Iznik. Pourquoi fallait-il que Istanbul soit marqué autant dans cette exposition, dès le départ d'une certaine façon, après avoir évoqué la confrontation entre l'Empire ottoman et les Habsbourg? Istanbul, c'est la capitale d'Empire, la capitale de l'Empire ottoman. C'est pas n'importe quelle capitale, c'est une capitale qui succède à Byzance, qui déjà a une longue histoire, et une histoire qui rayonne au sein du bassin oriental de la Méditerranée. C'est aussi une capitale qui a réussi à intégrer totalement la culture byzantine déjà. Donc elle est installée sur un espace déjà historique et déjà important. Il faut dire aussi que dès le XVIe siècle, Istanbul est une mégapole. C'est une ville de 250 000 habitants sur un empire qui en fait plus de 2 millions. C'est la ville la plus importante de la Méditerranée à l'époque. Et aujourd'hui, elle en fait plus de 15 millions. Donc on est toujours dans un rapport de mégapole. Et puis, elle gère un empire immense sur la carte de la Méditerranée. Elle gère cet empire au nord, à l'est et à l'ouest de la mer Noire, à l'est du bassin oriental de la Méditerranée, au sud, puis petit à petit, donc en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, quelques ports du Maroc. Donc c'est un empire très étalé et très présent avec lequel il faut faire de toute façon si on veut avoir quelques richesses impériales du côté des Habsbourg. Et c'est pour ça qu'on va juste se tourner d'un quart de tour et se retrouver face à une autre mégapole et avec une séparation au plafond, une immense bannière dont vous allez nous dire ce qu'elle représente et pourquoi elle est entre Istanbul et cette ville que je regarde maintenant sur un plan magnifique vu du ciel, c'est-à-dire la ville de Venise. Oui, parce que c'est cette ville qui est complice d'Istanbul depuis si longtemps, depuis avant cette période-là, qui connaît parfaitement le commerce et qui c'est elle qui permet de récupérer les marchandises qui viennent via Istanbul vers la Méditerranée occidentale et vers les Européens, vers les Occidentaux. C'est elle qui vend et qui achète, c'est elle qui fait ses bénéfices. Elle a des liens privilégiés, mais aussi des tarifs privilégiés. Donc chacun entretient la bonne entente de façon à pouvoir garder ses avantages de part et d'autre. Et elle s'enrichit, bien sûr, sur le bénéfice qu'elle fait de ses denrées fabuleuses, que sont essentiellement la soie et les épices. Alors cette bannière de Lépante qui vient là devant et qui, en fait, a été été découverte dans les réserves du palais des Dorias à Gênes est très significative du rôle que Venise joue avec Istanbul. Les Habsbourg essayent vainement, via les papes qui gèrent leur politique, ils essayent vainement de faire signer toujours Venise une sainte ligue, un saint accord pour combattre l'Ottoman, entre guillemets, dans la perspective d'essayer à chaque fois de reprendre un peu de territoire sur le territoire ottoman. Et Venise est toujours réticente jusqu'à la période où Pie V arrive à faire signer Venise pour la Sainte Ligue qui va donner lieu à la bataille de Lépante. Et donc c'est un peu une victoire papale, davantage qu'une victoire Habsbourg d'ailleurs. Et à l'occasion de cette bataille de Lépante en 1571, l'amiral qui gouvernait la flotte des Habsbourg, qui était Giovanni Andrea Doria, qui était l'amiral petit-neveu de l'amiral Andrea Doria, récupère cette bannière que nous voyons devant nous avec les symboles de la bannière ottomane, l'épée à double lame de Zulfikar, l'épée d'Ali, les croissants, les étoiles à six branches. Il la récupère et la garde dans le patrimoine familial du palais des Doria à Gênes, où nous l'avons redécouvert il y a 2 ans. Donc c'est une histoire magnifique, c'est un inédit que nous avons restauré et qui est absolument splendide et emblématique. Alors à cela, on peut rajouter que les pentes a une valeur symbolique de chute de l'Empire ottoman, mais que dans la réalité, évidemment, les événements ne sont pas à la longue durée. Et c'est bien plus tard que l'Empire aura moins d'influence. Et juste après d'ailleurs cette bataille, Venise se retire de la Sainte Ligue et reprend ces alliances avec les Ottomans. Oui, parce que on peut dire, Jean-Pierre Farganel, que le commerce continue malgré la guerre. Et en l'occurrence, cette ville de marchands, ainsi qu'elle est baptisée ici dans cette exposition au Mucem, cette ville de marchands qu'est Venise, ne va pas s'arrêter de marchander, de commercer, malgré justement ces conflits liés à l'idéologie, liés à la guerre, liés à la bataille supposée permanente des chrétiens et des musulmans. Absolument pas. Le commerce continue pendant toutes ces périodes-là. Et bon, il faut dire que Venise était spécialisée dans les produits à haute valeur ajoutée, comme par exemple les étoffes précieuses, les épices. Et c'est la raison pour laquelle, pour des raisons de rapidité, Venise utilisait des galères. En revanche, Gênes, sa concurrente, était plutôt spécialisée dans les produits bon, à moindre valeur, mais pondéreux. Donc c'est pour ça qu'ils utilisaient bon, des vaisseaux, les galets. Et donc il y avait, en fin de compte, 2 types de commerce entre Gênes et Venise. Séparation des tâches, oui. Et il y a des liens très anciens entre Byzance et Venise depuis le Haut Moyen-Âge. Et il y avait bon à Byzance bon deux quartiers de l'autre côté de la Corne d'Or, Galata et Pera, donc quartier des Génois, ensuite des Vénitiens, qui s'est perpétué ottoman. Et au-dessus, bon, il y avait sur le plateau les ambassades occidentales. Et donc ces maquettes, Myriam Morel de Ledal, nous disent quelque chose justement de cette mer sillonnée de bateaux, non pas du temps d'Homère, mais du temps des grands sultans et des grands souverains occidentaux. Oui, des bateaux de course, des galères très maniables, des galions, des chébecs qui permettent à Alger de faire la course. On va parler rapidement de la course parce que c'est la spécialité d'Alger, mais aussi de quelque chose comme celle-ci, c'est-à-dire la galère, le bateau, le Bucentaure, c'est-à-dire le bateau qui sort chaque année et où le doge va jeter un anneau dans la mer pour se marier avec cette mer. Donc c'est affirmer chaque année le lien indéfectible et aussi la source de pouvoir et de bénéfices de Venise, effectivement. Donc la mer est fondamentale, c'est le lieu de circulation, de connectivité le plus évident. Alors, je vous propose de gagner un peu plus loin cette salle, dans un espace un peu plus lointain, qui justement décrit, comme vous venez de le dire, les villes d'Alger, de Tripoli et de Venise, qui ont une autre importance, et en particulier pour ce qu'on appelle la course. Nous avons donc avancé dans cette exposition au Musée des Cultures de l'Europe et de la Méditerranée, au rez-de-chaussée de ce grand bâtiment, pour cette exposition qui va durer 3 ans et qui s'appelle Connectivité, qui traite du rapport des cités de la Méditerranée entre elles à l'époque moderne, sur le modèle de Fernand Braudel. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Farganel et de Myriam Morel de Ledal, et nous sommes dans la partie qui concerne l'autre côté de la Méditerranée, à savoir Alger, avec une magnifique maquette, très belle maquette, que nous dit-elle de l'importance de cette ville dans ce qui nous concerne, les rapports des cités entre elles en Méditerranée au XVIe et XVIIe siècle. Oui, c'est une maquette exceptionnelle, effectivement. Alors, elle est dans les collections du Musée national de l'armée à Paris, et qui est une maquette réalisée en 1941 sur des relevés faits en 1830 à l'arrivée des troupes coloniales françaises sur Alger, mais qui représente la ville que Charles Quint a vue en arrivant en 1541 pour essayer de conquérir cette ville fortifiée d'Alger. C'est la ville ottomane, c'est la ville arabe et ottomane d'Alger. Elle est fortifiée, comme vous voyez. Elle est aussi fortifiée sur les îles qui sont devant cette côte. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'elle n'a pas bougé depuis le XVIe siècle, en 1831. Et elle montre, d'une part, un type d'habitat et d'autre part, un type de fortification extrêmement consolidée, dense, non seulement autour de cette ville qui elle-même fait face à la mer, mais sur les îlots qui lui font face. Alors, quel est le rôle d'Alger au XVIe siècle ? Alger est une ville qui pratique l'économie de la rançon, on va dire, la guerre de la course, et qui pratique, donc qui a l'habitude depuis assez longtemps d'ailleurs, de rançonner les bateaux qu'ils arrivent à détourner et à raisonner qui traversent la Méditerranée. Alger est un point tout à fait central en Méditerranée, dans le bassin occidental en particulier de la Méditerranée. Et donc, tout le commerce se faisant par voie de mer, beaucoup de bateaux, à la fois espagnols, italiens, ou autres, provençaux, corses, passent et sont à raisonner. Et donc les Algérois ont une spécialité parce qu'ils ont des bateaux maniables, des chébecs, et donc une habitude aussi de rançonner. Et après un certain temps de cette pratique économique, ceux qui animent cette course, qui sont les frères Barberousse, pour être rapide, s'offrent, entre guillemets, ou offrent leur capacité au sultan en disant qu'ils offrent leur capacité et le territoire d'Alger contre une protection de l'Empire ottoman, l'envoi de janissaires, l'envoi d'autres bateaux, l'envoi de canons, etc. Donc on a affaire à un lien économique et militaire renforcé qui permettent, au milieu du bassin occidental de la Méditerranée, d'avoir un bastion encore plus étendu pour l'Empire ottoman. Oui, une chose qu'on a un peu oubliée quand on s'intéresse spécifiquement simplement à l'histoire française et à l'histoire de l'Europe occidentale à ce moment-là, c'est que ces Habsbourg, et en particulier Charles Quint, Jean-Pierre Farganel, ont des prétentions sur cette côte sud de la Méditerranée. Et que si Charles Quint, comme vient de le dire Myriam Morel de Ledal, a l'intention de faire le siège d'Alger, c'est parce qu'en fait, avant même d'imaginer des aventures atlantiques, eh bien, ces Habsbourg ont d'abord la volonté d'unifier la Méditerranée sous leur propre coupe, Jean-Pierre Farganel. Oui, c'est-à-dire que les expéditions de Charles Quint se sont soldées par des échecs, mais menaçaient particulièrement ce qu'on appelait à l'époque les États barbaresques, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Et de ce fait, Barberousse a décidé de faire allégeance à l'Empire ottoman pour être protégé des incursions de la chrétienté. J'aurais voulu juste préciser que c'est vrai que les termes piraterie et barbaresque sont souvent associés, mais que la piraterie et la course ne sont pas des activités uniquement ottomanes. Bien sûr. Et que les chrétiens la pratiquent beaucoup, les occidentaux la pratiquent énormément. C'est une économie comme une autre à l'époque, et la réduction en esclavage n'est pas ce qu'on s'imagine non plus comme étant la réduction en esclavage du commerce triangulaire américain. On a une circulation des populations et une répartition des populations de captifs qui rejoint toutes les couches de la société. Et une des pratiques des chevaliers de Malte en particulier, c'est de justement pratiquer l'esclavage pour manœuvrer leur galère à Malte. Donc c'est juste pour rétablir un équilibre dans cette imagerie. Oui, et il faut bien reconnaître, Jean-Pierre Farganel, que les Britanniques pratiquent la cour jusqu'à la fin du XVIIIe siècle contre des navires français, par exemple, en Méditerranée, comme ça peut se pratiquer en Atlantique aussi. C'est-à-dire qu'il y a les puissances s'interpellent entre elles et les puissances chrétiennes s'interpellent entre elles par l'intermédiaire de ces corsaires. Et il y a aussi, bon, en ce qui concerne la cause, précision, c'est que le corsaire a une lettre de patente qui lui permet de faire la course contre les pays qui sont en guerre contre l'État auquel il appartient. Bon, s'il n'a pas de patente, c'est la piraterie et mérite la corde. Et il faut dire que les corsaires de Malte attaquaient les navires ottomans ou barbaresques, mais ils n'hésitaient pas aussi à attaquer dans certains cas les navires français qui étaient alliés de la France, et notamment le voyageur Jean Thévenot a été dépouillé par les chevaliers de Malte. Ce qui effectivement est une nuance importante à apporter à ces questions de piraterie en Méditerranée. On va quitter cet espace de Venise d'un côté, d'Alger, de Tripoli, de Tunis, pour aller juste derrière nous dans cette exposition devant deux chefs-d'œuvre que j'ai rarement vus. Enfin, l'un d'entre eux, d'ailleurs, on ne peut pas les voir. Ce sont trois statues qui sont face à nous et qui sont censées évoquer à la fois Gênes, puisque c'est une partie de cette exposition de ce côté-ci, et Séville, avec l'ouverture sur l'Atlantique. Arrêtons-nous déjà sur cette magnifique fresque qui a été déposée et qui est face à nous et qui représente le pouvoir des Génois en Méditerranée, Myriam Morel de Ledal. Oui, c'est une fresque qui représente précisément le doge de Gênes en habit rouge, qui est son habit de pouvoir, qui est doge d'Urazzo, qui en 1574 accueille sur le port de Gênes Don Juan d'Autriche, pardon, le demi-frère de Philippe II, qui est celui qui a mené pour les Habsbourg la bataille de Lépante. Et qui porte, vous voyez autour du cou, cette grand collier de la toison d'or avec la bestiole qui pend. C'est un agneau qui pend autour d'un anneau et qui, à elle seule, représente le pouvoir en place qui vient remercier le doge de Gênes de sa participation à la bataille de Lépante avec la construction de galères, etc. C'est dire à quel point les Génois sont puissants, puisque c'est le pouvoir en place. C'est quasiment le représentant des Habsbourg qui fait le déplacement pour venir remercier le doge de Gênes et son entourage, son conseil municipal qui se trouve autour de lui. C'est assez exemplaire. Oui, c'est une fresque qui fait déposer, donc précisons-le, qui fait environ 6 ou 7 mètres de longueur, à peu près, quelque chose comme ça. Et puis on y voit aussi des hallebardiers et la mer au loin, comme pour dire que la mer n'est jamais très loin de ce qui nous intéresse, cette mer Méditerranée. C'est la richesse de Gênes, et il faut bien le montrer. Et pourtant, Jean-Pierre Farganel, eh bien, l'ouverture, pourrait-on dire, à l'Atlantique, avec la fameuse thèse de Pierre Chaunu et tout un tas d'autres travaux liés à Séville et l'Atlantique, nous montre bien qu'il y a un véritable bouleversement, une sorte de renversement de polarité qui se déroule à partir du XVIe siècle, ce même XVIe siècle, par la voie occidentale qui permettra aux Occidentaux de gagner, alors ce qu'on ne sait pas encore être à l'Amérique au départ, mais qui va le devenir, et peut-être aussi, en passant par le sud, rejoindre l'Asie, les Philippines, les Moluques et tout un tas d'autres pays qui produisent en particulier des épices. Bah, c'est le moment où vont se constituer les premiers empires coloniaux. Alors l'empire portugais au Brésil, avec des comptoirs en Chine pour le Portugal à Macao. Il y a également aussi l'empire espagnol qui est le plus vaste. Et puis également les Hollandais qui vont occuper les Indes néerlandaises et parfois d'une façon assez brutale, puisqu'ils vont, même plus que brutale, puisque dans certains cas, dans certaines îles, ils vont massacrer entièrement la population pour avoir le monopole des épices. C'est-à-dire que l'Angleterre et la France ne sont pas encore les grandes puissances qu'elles sont appelées à devenir. Ce sera à partir du XVIIe siècle. Myriam Morel de Ledal, il y a quelque chose d'absolument formidable. Ce sont ces trois statues que nous avons dans une vitrine. Comment les décrire ? Elles sont de taille humaine, elles sont exactement à la taille des humains. Elles sont faites visiblement pour être montées sur des chars, en particulier lors des Semaines Saintes. Elles sont donc articulées, les mains, les bras, les avant-bras. Et elles représentent des personnages qui sont des missionnaires, des saints ? Non, ce sont des Japonais, comme vous ne le voyez pas à leur, sculpture, ce sont des Japonais chrétiens qui ont été convertis par les missions jésuites, qui sont ces missions qui partent à la demande du pape pour à la fois les puissances ibériques, espagnoles et portugaises de part et d'autre du traité de la ligne du traité de Tordesillas, c'est-à-dire dans les nouvelles colonies portugaises et les nouvelles colonies espagnoles du Nouveau Monde, et qui part donc en mission. Il n'y a pas que, il y a les jésuites, les dominicains, les franciscains, mais ici ils sont habillés comme des jésuites et en particulier à l'extrême bout du monde connu, au Japon, les jésuites débarquent avec les premiers commerçants. Les régnants locaux, les daimons japonais leur offrent le port de Nagasaki. Les conversions se font assez rapidement par centaines, mais les Japonais ressentent rapidement qu'il y a aussi une menace de leur propre pouvoir et vont commencer les persécutions contre les chrétiens, et à la fois des persécutions par le feu, par la noyade, par la crucifixion. Et ces trois personnages, vous avez à droite celui qui s'appelle Kisai, au milieu Goto et à gauche Miki, sont trois Japonais chrétiens particulièrement connus dans le monde catholique, dans la mesure où ils ont été très très vite béatifiés par les papes et très vite emmenés en procession dans toutes les villes catholiques du Nouveau Monde, en particulier à Lima, au Pérou et ailleurs, et ici à Séville, pour propager la foi chrétienne et la mission chrétienne comme exemplaire de la conquête du Nouveau Monde. La conquête du Nouveau Monde, bien sûr, son vœu est de récupérer les richesses, essentiellement toujours les soieries et les épices pour faire très vite, mais c'est aussi agrandir le monde chrétien. Oui, ces statues datent de quand d'ailleurs, parce qu'elles sont contemporaines des événements. Elles sont sur des statues du début du XVIIe, de la fin du XVIe. Tout début du XVIIe. Le martyr a eu lieu en 1597 et 10 ans après, ces statues sont réalisées et elles sont déjà promenées en procession à Séville, mais pas seulement, dans le Nouveau Monde chrétien aussi. Et ce sont des très grands sculpteurs sévillans qui les ont réalisées. Montagnès pour Kisai et Juan de Mesa pour les deux autres statues de Goto et Miki, qui sont des grands sculpteurs que l'on retrouve dans les grandes églises espagnoles ou sévillanes de cette époque. Alors, il ne faudrait pas oublier qu'il y a l'Atlantique et que sur l'Atlantique il y a une ville que l'on croit méditerranéenne mais qui ne l'est pas, c'est la ville de Lisbonne. On va rejoindre le passage de cette exposition du MUCEM, au rez-de-chaussée du MUCEM, donc consacrée à connectivité et donc la part consacrée à Lisbonne. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. On a décrit que quelques-unes des pièces que vous avez rassemblées ici, Myriam Morel de Ledal, mais il y a quand même une majorité de chefs-d'œuvre, il faut bien le dire, entièrement restaurés pour cette exposition qui va durer 3 ans, disons-le, et des chefs-d'œuvre rares. On a évoqué ces jésuites donc martyrisés au Japon, on a évoqué la bannière prise au moment de la bataille de Lépante, à la fin, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais il y a aussi dans la partie portugaise de magnifiques faïences que peut-être on regarde moins que le reste, mais qui sont absolument splendides. Oui, en effet, d'ailleurs, c'est l'occasion de rajouter que de nombreux pays de la Méditerranée nous ont prêté pour plusieurs années ces chefs-d'œuvre. Lisbonne, Séville, Madrid, Gênes, essentiellement. Donc, on est très heureux aussi de la participation de nos collègues avec ces chefs-d'œuvre. C'est une connectivité contemporaine, là, en l'occurrence. Oui, donc Lisbonne, beaucoup également, et avec beaucoup de ces porcelaines qui sont, ou de ces azulejos, qui sont soit d'influence arabe, puisque il ne faut pas oublier que le Portugal a longtemps été sous influence arabo-andalouse, comme l'Espagne, et puis d'autres influences qui viennent précisément de l'ouverture par Lisbonne vers l'Atlantique, c'est-à-dire la connexion et les connectivités avec la Chine. Avec cette Chine qu'il faut donc joindre en passant par le sud de l'Afrique et rejoindre donc par l'océan Indien. Et ce sont les premiers, les Portugais en tout cas, en tant que puissance européenne, qui ont réussi à faire ce voyage, Myriam Morel de Ledal. En effet, en particulier par la route sud d'Afrique et océan Indien et par les routes de la première circumnavigation et portugaise. Et on a effectivement très rapidement des vice-rois des Indes, comme ces deux personnages ici en tableau, le vice-roi d'Aboulkerque, qui dans son palais à Lisbonne, son palais Dos Bicos, importe déjà des chefs-d'œuvre de porcelaine chinoise. Oui, alors c'est quelque chose de remarquable. Mais cette ouverture au monde n'est possible que par cette œuvre contemporaine qu'on a derrière nous, Jean-Pierre Farganel, qui représente des morceaux de bateaux. C'est une œuvre contemporaine qui se veut représenter la traversée contemporaine de la Méditerranée et les dangers pour les migrants en particulier, comme une sorte de mobile de caldaire. Vous avez travaillé sur les marins en Méditerranée. Ces marins, on ne le sait peut-être pas assez, en particulier les marins marseillais, puisque vous avez pu épuiser un fonds d'archives formidable du XVIIe et XVIIIe siècle qui traite des échelles, de deux échelles du Levant, Acre et Saïda, donc oui. Saïd. Et dans ces archives que vous avez trouvées et donc entièrement lues, il y a beaucoup de ces déconvenues que peuvent connaître les marins en Méditerranée, parce qu'on y mange mal sur ces bateaux, oui. On a des mauvaises conditions sanitaires à l'époque moderne, on risque aussi, dès qu'on débarque, d'avoir des maladies, mais aussi de trouver noise à ceux qui sont en face, et en particulier à ces Ottomans ou à ces puissances qui sont sous la coupe ottomane et qui peut-être n'acceptent pas véritablement votre liberté d'aller et venir à certains moments. C'est-à-dire que le séjour au Levant était particulièrement réglementé, bon, avec une exception, Smyrne, on y reviendra peut-être. C'est-à-dire qu'il était absolument interdit aux résidents occidentaux d'être habillés à la française. Il fallait porter le costume oriental. Et il faut savoir que le costume dans l'Empire ottoman est discriminatoire. Parce que selon votre appartenance religieuse, vous avez un turban blanc pour indiquer que vous êtes musulman. Vert, si vous êtes Hadj, vous avez fait le pèlerinage à la Mecque. Jaune, si vous êtes juif, et ainsi de suite. Donc on sait immédiatement à qui on a affaire. Et c'est quelque chose qui peut jouer, par exemple, dans un procès entre un sujet musulman et un sujet non musulman, puisque le calife n'est pas forcément objectif dans la justice ottomane. Et puis il y a eu des incidents avec les marins. Il y a des marins qui a été descendu pour laver leur linge, et il y a un marin qui avait importuné des femmes qui lavaient leur linge. On est au milieu du 18e siècle, 1746. Oui. Et là, donc il y a eu un qui a eu un réflexe malheureux, c'est-à-dire qu'il a tiré et il a tué le fils du cheikh. Alors évidemment, les membres d'équipage ont été enlevés, emmenés dans le chouf. L'auteur du coup de feu a été torturé à mort, et il a fallu payer une très forte avanie, une rançon pour récupérer l'équipage. Et donc, il faut faire très attention parce que selon les échelles, parce qu'il y a des situations très différentes, il peut y avoir des expressions de xénophobie particulièrement importantes, et notamment c'est le cas de l'Égypte. Et le consul Benoît de Maillère raconte au début du XVIIIe siècle, vers 1700, qu'un aga des janissaires constate qu'un marchand français n'a pas tout à fait le turban posé comme il fallait. Et il veut le condamner à 600 coups de bâton. Et il y a un Kérod qui intervient pour dire qu'il est protégé par les capitulations et qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et donc c'est le Kérod qui a pris les 600 coups de bâton. Donc vous imaginez dans quel état il pouvait être. Donc c'est la nation française du Caire qui l'a soigné. Alors vous semblez charger les responsables de l'Empire ottoman. Il faut quand même dire que ces marins qui arrivent par exemple dans cette Méditerranée ont des pratiques évidemment qui viennent de l'expérience occidentale, et que quand ils tire un coup de canon parce que la cargaison est pleine, ils ne tirent pas à blanc ce coup de canon, et ils détruisent deux maisons du côté de Salonique, je crois. Et on va donc évidemment une maison d'un juif, et vous dites dans un article, en l'occurrence Jean-Pierre Farganel, que au bout du compte personne ne va trop s'en préoccuper, mais il y a la maison d'un janissaire, et là ça va être plus compliqué pour ces marins de s'en tirer en l'occurrence. Oui, parce que là le janissaire est venu se plaindre auprès du pacha, et il était avec le boulet dans les mains, et il était accompagné de 500 de ses collègues, ce qui avait comme un certain poids dans la revendication. Alors il y a eu une enquête. Alors naturellement, tout le monde était innocent, et donc le pacha a dit que bon, la prochaine fois, faites attention, vérifiez si le canon n'est pas chargé. Mais c'était la tradition de tirer à boulet quand on avait fini le chargement. Il y a tout de même quelque chose de très intéressant, en l'occurrence Myriam Morel de Le Dalle, c'est qu'ici on n'entend pas les langues. Parce que c'est une exposition de beaux objets, d'une certaine façon, et en particulier ces langues sur lesquelles on travaillait, ou cette langue particulière sur laquelle a travaillé Jocelyne Derclia, la lingua franca, qui est cette langue des ports, qui est un mélange entre italien, français, arabe, turc, et qui est pratiquée par ces mêmes marins dont on parle à l'instant avec Jean-Pierre Farganel. Une langue qui permet, le véhicule de la langue va permettre le commerce, va permettre aussi de s'attaquer ou de se critiquer. Et ça, c'est important aussi. Oui, c'est fondamental. Mais la Galerie de la Méditerranée est ouverte pour 3 ans pour une expo semi-permanente. Et rien ne dit qu'on ne fera pas une prochaine fois une exposition, justement avec Jocelyne Derclia, et on l'avait déjà évoqué, une exposition qui parle, qui permette de parler et d'entendre, puisque là nous avons des supports visuels, mais on peut aussi faire jouer ça. Ça fait absolument partie d'une autre histoire de la Méditerranée qu'on peut mettre en évidence, bien entendu. Une histoire que nos auditeurs qui n'auraient peut-être jamais entendu cette langue peuvent imaginer en entendant certains passages des fourberies de Scapin, qui cette espèce de baragouin qui est utilisé à un moment justement dans ces fourberies de Scapin pour représenter cette langue des ports. C'est-à-dire que la langue des ports par les négociants ne sera pas utilisée parce que dès 1669, von Colbert met en place l'école des enfants de langue pour avoir des droguements interprètes, pour qu'il n'y ait pas d'erreur comme ça pouvait se faire avec les interprètes indigènes. Et surtout, bon, les marchands n'ont pas accès au bazar. Il faut avoir des intermédiaires qui sont ce qu'on appelle bon les sensos, et ces intermédiaires sont soit bon chrétiens, juifs, arméniens, grecs, et c'est avec eux qu'on a le contact avec le bazar où on va chercher les marchandises, où on apporte les marchandises pour les vendre. Et donc l'Empire ottoman fait tout pour que ces marchands soient cantonnés dans leur communauté. Et c'est une pratique ottomane, c'est-à-dire qu'on regroupe les gens par communauté, ce qui permet de mieux les contrôler. Ce qui est quand même assez formidable, effectivement, c'est la multiplicité de ces passeurs, de ces intermédiaires, sur lesquels tous les gens qui travaillent sur la Méditerranée à l'époque moderne insistent. Ils s'appellent sensaux, comme on vient de le dire, ils s'appellent droguements, ils s'appellent patrons, ils s'appellent corsaires, ils s'appellent consuls. Tous ces personnages-là sont des personnages de l'entre-deux, en l'occurrence Myriam Morel de Le Dalle. Son personnage d'entre-deux, parfois ils n'ont pas choisi de passer de l'autre côté de la Méditerranée, parfois ils l'ont choisi, parfois le hasard fait bien les choses et certaines personnes qui n'étaient pas forcément dans un circuit de statut social intéressant dans l'Occident vont le trouver en Orient. Donc tout ça, c'est ce qui fait la Méditerranée de cette époque-là et sa richesse et son métissage. Oui, et cette fluidité que l'on perçoit dans une exposition comme celle-ci, c'est-à-dire que il n'y a pas que des coupures, comme des ruptures, comme le disait un des auteurs de l'époque moderne, sur l'époque moderne, il faut en finir avec l'esprit de croisade, non pas comme une sorte de volonté d'aujourd'hui de ne pas voir les conflits, mais pour montrer que malgré les croisades qui peuvent continuer dans la rhétorique, il y a encore des rapports, il y a encore des façons de se croiser, de discuter ensemble et même de commercer alors que le discours de croisade continue. De commercer plus que commercer, véritablement de s'estimer. Si vous discutez avec nos collègues du musée de l'armée, par exemple, de l'état technique, des armements, des canons, etc., des influences mutuelles, réciproques, il y a une estime mutuelle, aussi bien d'un point de vue scientifique, commercial, intellectuel, civilisationnel, qui fait que cet équilibre est une réalité, en dehors du fait qu'il n'y a que 2 grands partenaires, il y a une réalité par les grands et par les autres couches de la population qui se croisent et le métissage, même s'il n'est pas le fruit du sang, il est le fruit d'un métissage culturel, vraiment. Jean-Pierre Farganel. Si c'était vrai au XVIe siècle, ce sera beaucoup moins par la suite, dans la mesure où il y a d'abord un filtrage qui va être fait pour le départ au Levant, et ne pourront partir que ceux qui seront agréés, c'est-à-dire artisans pour l'échelle, consuls, négociants, médecins, chirurgiens, apothicaires, etc. Et les autres n'auront pas le droit de s'embarquer et seront à ce moment-là immédiatement rembarqués par le consul pour Marseille. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a très très peu de contacts du fait de la... cette situation. Et dans certaines échelles, bon, il y a même une animosité. C'est-à-dire que il y a des contacts, bon, souvent de bas niveau. Mmh. Maintenant, il peut y avoir des, comme ça a été le cas à la fin du XVIIIe siècle, entre bon Magalon au Caire et le chef de l'Odjak des Janissaires, parce que il y avait des relations entre l'épouse de Magalon et l'épouse bon de la du chef de l'Odjak. Mais c'est assez exceptionnel parce que il y a un cas particulier, c'est celui de Smyrne, où il y a une grande liberté, des contacts. Les gens ne sont pas obligés de porter le costume oriental. Ils peuvent se promener aux alentours sans être accompagnés d'un janissaire. Bon, et pourquoi ? Parce que là, l'échelle ne dépend pas de la porte elle-même, mais du harem. Et les agas des douanes ont décidé, pour développer l'échelle, de permettre tout ceci. Bon, mais il y a des différences totales d'une échelle à l'autre, des contacts qui sont différents. Il faudrait tout dépouiller pour avoir une idée. Et encore beaucoup de travail. Il y a plus de 2000 liasses. Hein, 2000 liasses ici, à Marseille. À Marseille, à la Chambre de commerce pour le Levant et la Barbarie. Oui, et donc vous en avez dépouillé quelques dizaines de ces liasses, en l'occurrence Jean-Pierre Farganel, qui nous disent tout de même qu'on a des découvertes à faire encore sur cette histoire du 16e, 17e, 18e siècle et 19e siècle en Méditerranée par ce riche fonds d'archives de la Chambre de commerce de Marseille. Ce qui est tout à fait formidable, et on va peut-être terminer là-dessus, Myriam Morel de Ledal, c'est qu'une exposition comme celle-ci au MUCEM peut nous donner envie de continuer la recherche, justement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de magnifiques objets qui nous disent ce qu'était cette Méditerranée au XVIe, XVIIe siècle, mais il y a aussi cette idée que ces objets, il faut les interpréter, et que le travail des historiennes et des historiens, c'est d'interpréter les objets et les faits et les documents que l'on peut trouver. Oui, tout à fait. Je voudrais aussi rebondir sur la richesse des collections de la Chambre de commerce qui nous a largement aidé en déposant aussi des gravures, en particulier de grandes quantités de gravures de villes qui sont présentées ici. Donc c'est vrai que c'est une mine extraordinaire, non seulement pour le Levant, mais aussi pour l'histoire de la Méditerranée dans son ensemble. Au contraire, si une expo peut être encore un objet et susciter un champ de recherche, ça veut dire qu'on a peut-être un peu réussi notre coup, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit de l'ampleur des manques. Hein, donc on fait des focales, on pointe sur des périodes, des événements, des personnages, mais il y a entre chacun, malgré notre volonté de connectivité, il y a des gaps à combler. Et on attend beaucoup des chercheurs et de nos collègues pour venir les combler et continuer ces expositions à enrichir sans fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre Farganel. Merci à vous, Myriam Morel de Ledal, de nous avoir accompagnés dans cette exposition, donc qui va durer 3 ans ici au MUCEM. Et on ne peut que dire à nos auditeurs qu'elle est d'une richesse assez exceptionnelle. C'est une petite exposition, ça n'est pas une immense exposition, mais dans laquelle on trouve tout de même de magnifiques objets et aussi la possibilité de réfléchir à ce destin méditerranéen à l'époque moderne. Merci encore. Toute la semaine, donc, nous allons vous parler dans cette série de la Fabrique de l'Histoire de la ville de Marseille. Mais Marseille, ce n'est pas qu'une ville connectée aux autres cités de la Méditerranée, c'est aussi une ville qui réinvente sa propre histoire et en particulier son histoire musicale. C'est le thème du documentaire de demain qui est signé Pyroline Barbet et Séverine Cassard, consacré à la nouvelle scène musicale occitano-marseillaise. Des fois, ça fait chier les gens parce qu'ils disent « Ouais, on comprend pas, c'est dommage et tout. » Je sais pas, moi, j'ai écouté des tas de musique, je comprends jamais ce qui se passe vraiment dans les textes. Mais par contre, l'émotion, elle est là et moi, ça me touche et ça me va très bien. C'est aussi une façon de libérer le public du texte, puisque ça devient un peu une langue instrumentale, quelque part. Se lo cami, ras contrari, lo solitari, Camminavi, senza sapere monte anna, senza sapere perché camminavi, avevassimo uno stau. J'aime bien cette idée aussi de ne pas être trop directif quand tu proposes quelque chose à écouter. Chacun se plonge dans son histoire, lui, va essayer de comprendre quelque chose, ça déclenche certainement des choses qui ne sont pas forcément exprimables. Juste le ressenti, le... Finalement, qu'est-ce que tu fais ? Tu parles de ta différence, tu décris ta différence, tu chantes ta différence. Ok, on vit dans un monde global, c'est... tant mieux, hein, donc on a plein de trucs qui fait que d'ailleurs qu'on peut changer, mais à un moment donné, il faut qu'on ait notre propre voix. Pas parce que c'est la nôtre et qu'on est content de l'avoir, notre propre voix parce que c'est intéressant. Parce que notre propre voix, c'est notre regard différent sur les choses, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est nos recettes particulières de vie, de convivialité. Et je pense que notre propre voix, elle s'exprime réellement, vraiment, que quand elle est en occitan. Elle est intègre. Alors, est-ce qu'elle est intègre parce qu'elle est plus du tout liée à la vie sociale et... Non, elle est intègre parce qu'elle est plus du tout liée au pouvoir central. Parce qu'elle est un peu hors champ, mais j'imagine que si elle retrouvait une réalité, peut-être qu'elle serait moins tentante. C'est un rêve. Après, retrouver une réalité, c'est. La langue, elle a la réalité que tu lui donnes. La langue, elle est d'importance, pas simplement parce que tu vas acheter une baguette de pain en occitan. C'est pas ça. Ce qui fait l'importance de la langue, c'est ce que tu crées avec, ce que tu fais avec. Moi, je suis marseillaise. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Il n'y en a pas deux comme ça, au monde. Il n'y en a pas deux comme ça, au monde. Demain, le documentaire sera signé Péroline Barbet et Séverine Cassard, Marseille en chair et en oc, la nouvelle scène musicale occitano-marseillaise. Mercredi, nous évoquerons le passé industriel de la ville et jeudi, nous demanderons ce que cela fait à une ville comme Marseille que d'être la plus ancienne cité de France. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. La prise de son au MUCEM était signée Yann Frécy et la réalisation Anne Fleury. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, mais également à nous suivre sur le réseau Facebook, le groupe de la Fabrique de l'Histoire, ou encore sur Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain. No, Dios, se le plazó a la fe. Por favor.